Bonjour mes chers frères et sœurs et mes chers amis. Nous allons continuer le chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens et nous sommes au verset 14. Notre bon Père du ciel, aide-nous à comprendre la prière de Paul. Qu'est-ce qu'il demande et qu'est-ce qu'on peut nous aussi demander? Peut-être qu'on peut demander la même chose afin de pouvoir prier en accord avec ta volonté. Amen. Nous avons vu au début du chapitre que Paul voulait prier. C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Christ, il voulait prier, mais il a arrêté. Et là, il va faire cette prière-là. Il dit, au verset 14, il dit, à cause de ce que je viens de vous dire, je pense qu'il, dans sa tête, c'est de partir du chapitre 1, mais on pourrait résumer juste à partir du chapitre 3, ça c'est déjà amplement. À cause de cela, à cause de cette grande vérité que Dieu nous a révélé son plan, qu'il avait en lui-même depuis la création du monde, et qu'il a exécuté en Jésus-Christ, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Donc, je fléchis les genoux. Moi, je crois que c'est, je fléchis les genoux d'adoration, d'action de grâce. Je crois, des fois, je dis souvent, c'est à genoux qu'on est les plus grands. Notre position naturelle de créature, c'est d'être à genoux devant le Créateur. Je fléchis les genoux devant le Père. De qui toute famille. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est pas que tous les enfants, tous les êtres humains sont des enfants de Dieu, mais tous les êtres humains tirent leur création de la personne de Dieu. Dieu est le créateur de tout être humain et de toute création. C'est ce qu'il est en train de dire. Faudrait pas prendre le texte ici et de dire maintenant, tous les êtres humains sont des enfants de Dieu. Non, parce qu'on a vu au chapitre 1 qu'il y a des élus, hein, qu'il y avait des élus. Donc, s'il y a des élus, ça veut dire qu'il y en a qui le sont, puis il y en a qui ne le sont pas. C'est pas tous les êtres humains sont des élus. Ça fait pas de sens. Il n'y a pas d'élus si tu prends tout le monde. Okay? Il y a des élus quand tu fais un choix parmi un nombre de personnes. Je fléchis le genou devant le Créateur du ciel et de la terre. Devant le Créateur et devant l'exécuteur de tout ce qui a été fait jusqu'à date. C'est la seule place que l'être humain devrait se mettre à genoux. C'est la seule personne devant laquelle on devrait se mettre à genoux. On ne devrait pas flécher les genoux devant aucun être humain. En tout cas, pas pour les prier. Hein? C'était dans les premiers commandements de Dieu. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et les servir. On ne fléchit pas les genoux devant qui que ce soit pour les adorer. Je crois qu'on peut mettre un genou à terre, si on veut, pour montrer un respect envers une personne, un personnage important dans notre culture. Je suis pas offensé par cela, mais certainement pas parce qu'il est divin. Certainement pas parce que je le pense qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Encore bien moins qu'il est mon créateur et mon sauveur. Mais non. Pourquoi est-ce que Paul, maintenant, est-ce qu'il fléchit les genoux? Il veut demander quelque chose à Dieu. Que va-t-il demander? Verset 16. Afin qu'il, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de tout être humain, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, hein, il veut qu'il vous donne, selon tous les attributs, toute la gloire qu'il a, qui prennent tous ses attributs, toutes ses capacités pour vous rendre, pour vous fortifier par son esprit dans l'homme intérieur. Je veux qu'il prenne tout ce que Dieu est. Tous ses attributs, toute son intelligence, sa sagesse, sa longanimité, sa miséricorde, sa compassion. Je veux qu'il prenne tout, son omniscience, son omnipotence. Je veux qu'il prenne tout ce qu'il est. Pour vous fortifier dans votre être intérieur. Là, il parle pas de vous fortifier physiquement. Hein, on le sait, là. Okay? Il est pas en train de vous dire, Si t'es malade, tu peux lui demander, puis il va te guérir. C'est pas ça dont il parle ici. Il parle dans l'homme intérieur, donc dans le cœur, dans la pensée, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon être intérieur. Donc, ça prouve qu'on en a un. Si on était juste de la matière, si on était juste des cellules, mais il pourra pas dire homme intérieur. Il parle pas là, dans ton cœur, je vais te fortifier dans les organes qu'on voit pas. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Il parle, Paul croit que l'être humain a un être intérieur, c'est-à-dire un âme ou un esprit. Donc, il veut qu'on soit fortifié, qu'on soit fort, qu'on soit ferme. Okay, donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que si on a besoin d'être fortifié, c'est que on n'est pas au max de notre, hein, on peut être plus fort. OK? Ou on peut, comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'on va arriver à être plus fort? Qu'est-ce qui va me rendre plus fort? Donc, ça se passe où? À l'intérieur. Donc là, il parle pas de mes actions. Ça va peut-être avoir un effet sur mes actions, mais il parle pas de mes actions. Il demande pas, Seigneur, aide François à faire telle affaire. Et puis, parce que souvent, j'ai pensé aussi dans le passé, et je vois des chrétiens qui pensent encore de même, on demande à Dieu de changer nos actions. On demande à Dieu de changer nos comportements. On demande à Dieu de changer nos caractères, nos personnalités. Seigneur, l'autre jour, il y a une chrétienne qui m'a dit, je prie Seigneur pour qu'il me rende patiente, puis je suis pas plus patiente. Voyez-vous? Elle demandait à Dieu d'avoir un changement de comportement. Combien de fois j'entends les chrétiens penser comme cela? Si Dieu avait répondu à toutes les prières des chrétiens, mais on serait tous des êtres parfaits. Seigneur, fais que je sois plus comme ça. Seigneur, fais que je fasse ça. Seigneur, fais que je mange pas trop. Seigneur, fais que j'arrête de boire. Seigneur, fais que j'arrête de regarder de la porno. Seigneur, fais que j'arrête de mentir. Seigneur, fais que... Les chrétiens seraient tous des êtres parfaits si Dieu répondait à toutes ces prières-là. Mais il ne le fait pas. Hein? Il ne le fait pas, la preuve. Je l'ai demandé. Seigneur, fais que je sois plus orgueilleux. Je suis encore orgueilleux après 44 ans. Dans certains domaines de ma vie, je suis encore orgueilleux. L'apôtre Paul, il dit, je veux que Dieu vous fortifie dans votre être intérieur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Comment va-t-il? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc, il prie que il veut qu'on soit fortifié de façon telle que Christ va habiter dans nos cœurs par la foi. Ah. Donc, il parle de ce personnage qu'on appelle Jésus, qu'on appelle le Christ. Il veut qu'il habite dans nos cœurs. Il veut qu'on soit enraciné et fondé dans l'amour. Ah. OK? Il veut qu'on soit enraciné, qu'on soit fondé. Donc, si je suis enraciné de plus en plus profondément, si je suis fondé, je dois être fortifié. Comment je vais être fortifié? En m'enracinant, en me fondant sur l'amour de Christ. C'est en Jésus-Christ. Si je, par la foi, je regarde ce que Christ a accompli, ce que Christ a fait, je vais être enraciné. Je vais être fondé dans l'amour, verset 18, que vous puissiez comprendre avec tous les saints la grandeur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ. Donc, comment je vais être fort? Comprendre l'amour de Christ. Comprendre ce que Christ a fait. Comprendre le plan qui est exécuté en Jésus-Christ. Comprendre ce que Christ est venu faire ici-bas. Comprendre la révélation de ce que Christ a accompli ici-bas. Comprendre pourquoi Dieu a envoyé Christ. Si je comprends cela, si je comprends l'œuvre et la personne de Jésus-Christ, je vais être enraciné et dans l'amour et je vais être fort. Je suis pas fort quand je réussis à faire ou ne pas faire certaines choses. Je suis fort quand je comprends de plus en plus l'amour de Christ avec tous les saints, juifs et non-juifs, tout ensemble, si on peut comprendre à quel point Christ nous a aimés en acceptant, écoutez bien ce que je veux dire, Christ m'a aimé bien avant la croix, Il m'a aimé en acceptant dans l'éternité passée que je m'unisse à lui, que je sois uni par le Père à lui, que je sois devenu même plante avec lui, comme Paul le dit, que je sois devenu un avec lui, comme Jésus lui-même a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Je te prie, Père, pour qu'il devienne un avec nous. Il l'a demandé lui-même et le veut. Il a permis, il a voulu, il a désiré que je sois uni avec lui. Quel amour! Des fois, on dit, oh, ils s'aiment tellement, ils se sont mariés, ils se sont unis. Puis là, on exalte cet amour humain que deux êtres décident de s'unir pour quelques années. On trouve ça que c'est beau, c'est de l'amour, et c'est ci, et c'est ça. Mais imaginez-vous la grandeur et la profondeur de l'amour de Christ qui a voulu, qui a désiré, qui a permis, qui a laissé Dieu, si je peux dire ça comme ça, Dieu le Père, unir les élus à Christ. Il s'est attaché à nous, ou il nous a attachés à lui. Il dit au verset 19, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Si vous connaissez, si vous comprenez, ou la grandeur de l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ avant le commencement du monde et qui a été exécuté à l'incarnation de Jésus-Christ, vous allez être remplis de la plénitude de Dieu. Vous allez connaître Dieu. Vous allez connaître Dieu. Vous allez savoir qui il est. Donc, il dit, je prie pour que vous soyez fortifiés dans votre être intérieur. Et vous allez être fortifiés, vous allez devenir des hommes et des femmes fortes dans la foi quand vous allez comprendre l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ pour vous. Oh, mes frères et sœurs, je vois tellement de chrétiens qui prient pour être forts. Puis là, on dit, tu vas être fort, si tu lis ta Bible, tu vas être fort, si tu pries, tu vas être fort, tu vas être fort, tu vas être fort. Oui, je vais être fort si je lis ma Bible pour connaître l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Je vais être fort quand je regarde qui est Jésus-Christ et qu'il a décidé dans sa puissance, dans sa souveraineté, dans son infinie sagesse de s'unir, de m'unir avec lui. Oh, quel grand amour de la part de Dieu d'unir des hommes et des femmes à lui. Oh, mes frères et sœurs, méditez là-dessus. Prenez du temps. Je pense personnellement que beaucoup de problèmes dans nos vies chrétiennes, beaucoup de nos questions seraient répondues si quand on a des questions, si on méditerait un peu de temps sur le fait que nous sommes attachés à Jésus-Christ, nous sommes unis à Christ, nous sommes en lui, nous sommes dans lui, nous sommes co-héritiers avec lui, nous avons la même destinée que lui, les nouveaux cieux, nouvelles terres et la présence de Dieu. Ce qui arrive à Christ dans l'éternité va m'arriver à moi. Ça, je ne deviens pas Dieu, on ne devient pas Dieu, vous savez ça. Mais c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit au chapitre 2, nous sommes assis maintenant dans les lieux célestes. On suit. On est mort avec lui. On est ressuscité avec lui. On est assis dans le nouveau sud. On est assis dans les lieux célestes avec lui. Et un jour, avec nos corps ressuscités, nous allons être dans la présence de Dieu, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, avec lui ou en lui. Oh, mes frères et sœurs, méditons là-dessus. Verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, il peut faire beaucoup plus. On se serait jamais imaginé le chapitre 1. On n'aurait jamais pensé le chapitre 1. Quand j'écoute comment je priais quand j'étais catholique, quand je me rappelle ce que je pensais quand j'étais catholique, quand j'écoute les catholiques, quand j'écoute les témoins de Jéhovah, quand j'écoute les mormons, quand j'écoute les musulmans aujourd'hui, sont incapables de penser cela, sont incapables de demander cela, Ils le feront pas. Ils le feront pas parce que dans leur tête, ça se peut pas. C'est impossible que Dieu décide d'unir des hommes et des femmes qui ne le méritaient pas, qui décident d'unir ces gens-là à Christ pour l'éternité. De marier, c'est tout ce que la Bible parle, que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Dieu le Père a donné son Fils pour qu'il se marie avec l'épouse. Il a donné l'épouse à Jésus, il a donné Jésus à l'épouse. Il a uni les deux. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il va en parler au chapitre 5, le mystère est grand quand je parle de cette union qu'il y a entre le Fils, entre le Seigneur et son Église et son épouse. Le mystère est grand. Quelle vérité au-delà de ce que l'homme peut penser et imaginer. Ici, il n'est pas en train de dire, il va vous bénir plus fort sur la terre, plus que vous pensez, plus que vous pouvez imaginer. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez, il peut vous en donner plus encore. J'ai entendu des pasteurs dire ça. Mais c'est certainement pas ça qu'ils pensent ici. C'est pas ça dont Paul parle. Il n'a pas parlé de ça depuis le chapitre 1, du moins encore. Il dit, ah, c'est lui qui peut faire au-delà de tout ce qu'il veut imaginer. J'aime mieux qu'il fasse ce que lui a planifié. J'aime mieux qu'il exécute son plan. Parce que son plan est au-delà de tout ce que je peux imaginer et penser. L'amour de Dieu en Jésus-Christ, qui a exécuté le plan de Dieu, est au-delà de toutes mes pensées, de tout ce que je peux demander et imaginer. C'est pour ça que l'apôtre Paul termine au verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle et des siècles, amen. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, maintenant et dans les siècles à venir. Maintenant et dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, la gloire va lui être attribuée à cause de son plan avant le commencement du monde, exécuté en Jésus-Christ. Souvent, les frères et sœurs vont me demander, qu'est-ce qu'on demande dans nos prières? François, comment on devrait prier? Je vais vous donner une idée. Lisez les épîtres de Paul. OK? Juste, toutes les nouveaux testaments, si vous voulez. Mais lisez les épîtres de Paul et ressortez. Écrivez les prières de Paul. Je prie pour que. Je fléchis les genoux afin que. Prenez toutes les prières de Paul que vous avez dans les épîtres. Et regardez ce que Paul demande. Ces prières nous montrent à quel point il comprenait Dieu, à quel point il avait à cœur la gloire de Dieu, à quel point il comprenait que tout était sous la grâce, tout était sous la bonté, la miséricorde. Il parle toujours de cela. Il est toujours en train de prier que les chrétiens réalisent la grandeur de la grâce de Dieu, du don de Dieu, de l'amour de Dieu, du plein de Dieu. L'apôtre Paul veut qu'on connaisse Dieu. Et ici, dans notre texte, on a au moins une. Je prie, je fléchis les genoux, afin que vous compreniez avec tous les saints la grandeur de l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Notre bon Père du ciel, on s'unit à Paul ici. Nous te prions que tu nous fortifies dans notre être intérieur et que par ton Esprit Saint, tu nous aides à comprendre la grandeur de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Afin qu'on puisse crier avec l'apôtre Paul, gloire soit rendue à Dieu et à Jésus-Christ pour toujours.